18-41, exercice test. Impératif négatif et pronom objet direct. Complétez selon l'exemple. Vous entendez? Tu m'embêtes. Et vous écrivez? Ne m'embête pas. 1. Tu déranges Mireille. 2. Tu déranges Robert. 3. Tu embêtes Mireille. Tu nous suis? 5. Tu suis les manifestants? 5. Maintenant, écoutez cet extrait de la chanson de Georges Brassens, Les amoureux des bancs publics. C'est le document numéro 2 dans votre livre de texte. Les amoureux qui bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en foutant pas mal du regard oblique, des passements honnêtes. Les amoureux qui bécotent sur les bancs publics, bancs publics, en public, en disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur, que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en foutant pas mal du regard oblique, des fois sans honnête. Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Copyright 1994, Yale University.